Une aventure du comte de Cagliostro par Alfred des Essarts. 1785, chapitre 1er. Il y avait cercle nombreux, jeux et concerts chez M. de Miroménil. Mais à peine les nobles invités accordaient-ils une attention distraite aux accents dits virtuoses. Le pharaon même avait réuni tout au plus 4 ou 5 personnes autour de la table chargée d'or. La foule n'avait de regard et d'oreille que pour un homme âgé de 40 ans environ, aux yeux expressifs, à la contenance assurée, au langage éloquent et légèrement italianisé. On se pressait afin de le voir, de l'entendre. Auprès de lui pâlissait la beauté des femmes, l'éclat des diamants. Accoutumé à une existence théâtrale, aux luttes de la controverse, aux transports d'admiration, il ne s'étonnait ni de l'incrédulité ni du fanatisme. Ses détracteurs et ses adeptes semblaient être aussi bienvenus de lui les uns que les autres. Infatigable dans ses improvisations et sachant mettre la science à la portée des gens du monde, il répondait à toutes les questions, expliquait tous les systèmes et se prêtait même à interroger les lignes des blanches mains qu'on lui présentait pour connaître l'avenir. « Eh bien, s'écrit le marquis de Ségur, notre moderne Merlin fait des merveilles. Avions-nous tort de proclamer sa victoire sur ses ennemis ?»« J'ignore, dit en souriant M. de Miroménil, si ses oracles sont plus sûrs que ceux de Calchas. » Mais certainement, sa conduite à Strasbourg a dû lui concilier l'estime générale. Visitant les hôpitaux, se courbant sur le lit des souffrants, il a rendu à la santé, à la vie des milliers de malades. Eh mais, qu'est-ce que lui demande le chevalier de Saborny, cet adversaire déclaré des sciences occultes, son horoscope, sans doute? Mû par la curiosité, les deux gentilshommes s'approchèrent. Le silence était établi dans le salon comme par enchantement. Les dames n'agitaient même plus leurs éventails. On avait ménagé un vaste espace pour le chevalier le comte de Cagliostro. Celui-ci consulta longtemps le front et la paume de la main droite de M. de Saborny, qui, prenant une attitude de défi et laissant un sourire dédaigneux errer sur ses lèvres, paraissait jouir d'avance de la confusion du célèbre Sicilien. Cependant, Cagliostro était devenu grave et rêveur. Au froncement de ses sourcils, à l'inquiétude de ses gestes, on eût pu aisément deviner qu'il regrettait de s'être engagé dans cette épreuve. « Monsieur, dit-il, tenez-vous à voir cette opération se terminer ?»« Si j'y tiens, répondit le chevalier d'un ton moqueur, beaucoup. Vous m'obligerez en voulant bien continuer. Peut-être avez-vous à me prédire une carrière glorieuse avec la formule qui termine tous les contes de fées ?» Cagliostro hocha la tête et baissant la voix. « Ne vous a-t-on pas provoqué en duel ?»« C'est vrai. » dit M. de Saborny avec indifférence. Un hobereau de province, un sot. Il n'est pas sûr que je lui fasse l'honneur de croiser mon épée avec la sienne. Vous agiriez sagement. Plusieurs personnes s'écrièrent. Messieurs, vous manquez à la règle. Aux conventions, nous devons tout entendre. L'étranger promena autour de lui un regard empreint d'une indicible expression, et repoussant la main du chevalier, dit « Une autre bouche que la mienne doit parler en cette occasion. Je pourrais n'être pas cru. » Et pourtant les nuages de l'avenir se sont écartés. Le livre, écrit par les anges eux-mêmes, s'est ouvert à une page terrible et m'a montré des lettres flamboyantes. J'invoquerai le témoignage d'une pupille. Une pupille, oui, un enfant. Y a-t-il dans l'hôtel une petite fille de 10 ans? Sans doute, dit M. de Miroménil, la nièce de mon intendant. 5 minutes après, cet enfant paraissait dans le salon, toute honteuse et frottant ses yeux bleus encore chargés de sommeil. Le comte de Cagliostro l'attira doucement, la rassura, puis, ayant fait déployer un paravent et placé sur une table une carafe pleine d'eau, il étendit les mains au-dessus des cheveux blonds de Marie, prononça quelques paroles dans une langue orientale et ajouta solennellement « Ma chère Colombe, promettez-vous de raconter tout ce que vous apercevrez dans le miroir de cette eau? Je le promets. Soyez attentive. Dès ce moment, vous êtes en communication avec le ciel. Que voyez-vous? Un beau monsieur. Quel est son costume? Un habit de soie bleue, une veste de satin blanc. » Tous les yeux se portèrent sur le chevalier, qui avait en effet un habit de soie bleue et une veste de satin blanc. Où est-il? Ici. Que fait-il en ce moment? Il vous regarde en riant. Que lui arrivera-t-il demain? Demain? La voix de l'enfant se troubla. Ses joues devinrent pâles, des larmes mouillèrent ses paupières, mais Cagliostro, la dominant par sa puissance magnétique, répéta impérieusement Que lui arrivera-t-il demain ? Oh mon Dieu, c'est bien dommage, comme il souffre. Son sang coule. Il dit une prière avec un abbé, et puis, il ne remue plus. Un cri d'effroi retentit dans l'assemblée. On se précipita vers le paravent, tandis que Cagliostro prodiguait ses soins à la petite Marie, tout épuisée par les tableaux surnaturels qu'il avait transportés dans un autre monde. Les amis du chevalier l'entourèrent, en cherchant à le rassurer contre le résultat de cette scène de fantasmagorie. Mais ce dernier avait conservé son flegme habituel, et s'approchant du comte, il le salua avec grâce en disant « J'espère, monsieur, malgré vos sinistres augures, que nous serons encore longtemps bons amis. Le moins ému ici, c'est moi, car je persiste à considérer ceci comme une spirituelle plaisanterie. Au reste, l'heure où nous parlons ne nous appartient déjà plus. Nous sommes tous mortels, un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'importe. » Et prenant congé de monsieur de Miroménil, il s'éloigna sur la pointe du pied. Le lendemain matin, sur les bords de la Bièvre, un jeune homme atteint la poitrine d'un grand coup d'épée, expiré entre les bras d'un prêtre de la paroisse Saint-Médard, appelé en toute hâte pour donner aux blessés les secours de la religion. On trouva sur lui une lettre d'adieu adressée à la marquise de Haut, sa maîtresse. Chapitre 2e. 3 mois s'étaient écoulés. Après avoir commenté de mille façons les circonstances mystérieuses du funeste duel de M. de Savorny, la société parisienne avait porté son attention, ou plutôt son inconstance, sur d'autres sujets, sinon plus intéressants, du moins plus neufs. Un soir, comme Cagliostro sortait d'un de ses hôtels retirés qui s'égaraient vers les extrêmes limites du faubourg Saint-Honoré, deux hommes, l'un vêtu de noir, l'autre en petite livrée, s'approchèrent de lui. Le premier, après l'avoir gravement salué, lui dit « Monsieur, n'êtes-vous pas médecin ?»« Moi, médecin ?» s'écria le comte en jetant sur l'inconnu un regard de soupçon. « Peut-être oui, peut-être non. Je m'occupe de science avec mes amis et je voyage pour m'instruire. Pardonnez-moi, monsieur, si j'insiste, mais les ordres que j'ai reçus sont formels. Quels ordres? Et en quoi peuvent-ils me concerner? Vous vous méprenez, sans doute? Je ne me suis pas trompé, vous êtes le célèbre Cagliostro. Ah, vous le savez. Au reste, cela n'a rien d'étonnant. Vous m'aurez vu quelque part. » Machinalement, Cagliostro appuya la main gauche sur la garde de son épée pour s'assurer contre toute surprise. La pensée lui vint que le lieutenant de police voulait le faire arrêter poliment et conduire à la Bastille, et que, probablement, une escouade de maréchaussée n'était pas loin, prête à se montrer au moindre signe de résistance. Il jugea donc à propos de se modérer et de s'abandonner au hasard. « Eh bien, reprit-il, on réclame mes soins. Oui, monsieur. Une personne de qualité a besoin des secours de votre expérience. » Une dame, une personne de qualité. Je comprends. Un carreau, c'est là, qui vous attend. Dans 2 heures, on vous ramènera ici. Allons, je m'abandonne à vous. D'ailleurs, se dit-il intérieurement, ce n'est pas la première fois que j'étais conduit mystérieusement vers ces réduits de l'amour qu'on appelle petite maison. Au coin d'une rue à peine éclairée par le reflet vacillant de quelques réverbères, stationnait un carreau sans armes. Le laquais ouvrit la portière et abaissa vivement le marchepied. Cagliostro et l'homme vêtu de noir y montèrent. Les chevaux partirent d'un pas rapide. Quoi qu'on fût au mois de juin, la nuit était obscure. Des nuages floconneux au fond brun et au contour grisâtre se pressaient dans les terres et cachaient le radieux bandeau des étoiles. Nul bruit ne se faisait entendre, hors celui des roues sur le pavé inégal. Seule une patrouille du guet s'était montrée, mais elle dormait en marchant. Et puis, elle n'avait pas à s'occuper d'une voiture qui pouvait contenir un grand seigneur revenant de quelques médianoches. Au bout d'une heure, et après de nombreux détours qui avaient pour but de donner le change à Cagliostro sur le lieu où il se trouvait, le carreau s'arrêta devant une grille antique. La grille s'ouvrit aussitôt, et le carreau se roula sur un sable doux et fin, en suivant les sinuosités d'une allée étroite et touffue. Un parfum printanier embaumait l'air. On eût dit que chaque feuille de ce délicieux jardin cachait une rose, chaque brin d'herbe une violette. L'esprit du comte, fasciné par ce délicieux tableau, s'était reporté au souvenir de ses voyages en Grèce, en Turquie, à Malte, et évoquait la poésie vivante de l'Orient. Quelle nouvelle surprise ne lui était pas réservée? Après le paysage, le palais d'Armide. Après le temple, la déesse. Un joli pavillon de structure italienne, à moitié perdu dans une touffe de verdure, s'offrit enfin au regard du comte. On descendit. Cagliostro fut conduit, dans l'ombre, jusqu'à un escalier spacieux et bien tapissé. Au premier étage, son guide s'arrêta et dit « C'est ici !» et introduisit Cagliostro dans un boudoir étincelant de glace, de cristaux, de dorures, quoiqu'éclairé faiblement par une lampe d'albâtre. Sur un sofa était couchée à demi une femme dont la vue, loin d'interrompre le rêve du Sicilien, sembla le réaliser, car elle était aussi belle de son émotion que de sa beauté, et lorsqu'elle essaya de se lever, sa taille souple et gracieuse ondula comme le col d'un cygne, et les larges plis de sa robe de soie rose se déroulèrent avec un harmonieux frôlement. Bientôt elle retomba sur le sofa, en invitant par un geste le comte à s'approcher, à s'asseoir en face d'elle, sous le feu de ses regards. Chapitre 3e. Au moment où Cagliostro, obéissant à l'inconnu, prenait place dans un fauteuil en tapisserie, le timbre argentin d'une pendule sonna minuit. La dame tressaillit et agita involontairement ses blanches épaules. On eût dit qu'elle avait froid. Le comte s'approcha davantage. Un intérêt inexplicable s'unissait au fond de son cœur au trouble des sens. En vain consultait-il sa mémoire. Jamais cette femme ne lui était apparue. Il fallait que ce fût une étrangère récemment arrivée à Paris. En effet, les premiers mots qu'elle prononça trahirent une origine espagnole. « Je vous dois 1000 remerciements, monsieur. Vous alliez à vos plaisirs, peut-être. J'ai disposé de votre temps. C'est moi, madame, qui éprouve le besoin de vous remercier, car vous m'avez transporté de la vie réelle au sein d'un monde enchanté. N'appelez pas ainsi une modeste maison toute rustique. Vous l'habitez. C'est l'Éden, l'Eldorado. Seriez-vous flatteur, monsieur le comte? J'ai le bonheur de n'être pas aveugle. On m'avait parlé de votre goût pour les mystères. Je m'y suis conformé, voilà tout. Désirant voir un homme aussi célèbre, j'ai voulu bannir en cette circonstance l'étiquette des salons. Du reste, monsieur, vous n'êtes pas mon prisonnier et quand nous aurons soupé, je vous renverrai à votre femme, la charmante Lorenza Feliciani. Lorenza, comparée à vous, est le soleil couchant auprès de la splendide aurore. Qu'importe, si je suis belle à vos yeux, vous ne m'aimez pas. Je vous admire. Vous n'aimez que la science. C'est une maîtresse exigeante, ingrate, à qui l'on fait volontiers des infidélités. » En parlant ainsi, Cagliostro saisissait délicatement la main effilée de l'inconnu et y posait ses lèvres. Par la force de l'habitude, il se mit à en examiner les lignes. La dame, s'apercevant de cette préoccupation, retira vivement sa main et dit avec un sourire « Vous vouliez peut-être m'annoncer mon horoscope ? Oh, point de magie, cela m'effraie. Je vais donner des ordres pour le souper. » Elle se leva et disparut par une petite porte cachée dans la boiserie. Le comte était devenu pâle. Une sueur glacée coulait sur son front, car la main de cette enchanteresse, cette main douce comme la plus douce étoffe de soie, venait de lui apprendre qu'un crime se préparait, un assassinat dans l'ombre. Le souper devait être saturé de poison, poison mortel, que la dame partagerait avec son convive. Cagliostro se souvint alors d'une marquise d'eau, dont il avait entendu parler, riche espagnole, qui s'était vouée à la retraite et aux larmes depuis le jour fatal où le chevalier de Savorny avait succombé sous les coups de son adversaire. Plus de doute, la marquise a formé le dessein de venger le trépas de son amant, qu'elle attribue aux prédictions sinistres faites publiquement chez M. de Miroménil. Le comte sent qu'il est perdu, car s'il repousse le poison, échappera-t-il à des laquais armés jusqu'aux dents et soumis aveuglément à leur maîtresse? Un seul parti lui reste, fasciner la marquise à force d'amabilité, d'éloquence, l'intéresser à son art, et arracher de ce cœur ulcéré un profond ressentiment. Mais peut-il espérer que le courroux d'une femme ardente cédera facilement, et que l'ombre du chevalier, demandant le sang pour le sang, cessera d'être entendue? Toutes ces pensées s'étaient succédées dans son esprit avec la rapidité de la foudre. Lorsque la marquise reparut, Cagliostro semblait absorbé dans la contemplation d'un trumeau de boucher. « Vous regardiez ces figures, monsieur le comte ?»« Oui, et je songeais malgré moi à l'instabilité des choses humaines. »« Voilà une idée bien grave, à propos d'un peintre de bergerie. »« Elle est juste. »« Je me disais, avant peu d'années, cette fraîcheur de coloris aura disparu. »« Ses chairs auront jauni. »« L'artiste lui-même ne reconnaîtrait plus son œuvre. » Son œuvre est ici, et elle y restera. Et vous-même, madame, est-il sûr que vous y soyez? Bannissez cette noire mélancolie, jamais de Xérès, de mon beau pays, qui vous rendra la gaieté. Je l'espère. Mais excusez-moi si je vous fais si triste compagnie. Parfois il me vient soudainement de ces accès de fièvre, misanthropique. J'ai tant souffert. Vous, monsieur, vous? Votre air de doute me prouve que vous ne me connaissez pas encore. Oui, madame, j'ai amassé non pas un trésor de roi, mais un trésor de douleur, comme les prophètes. Ma vie n'a été qu'une lutte contre la calomnie, l'ignorance et l'ingratitude. La marquise se plaça de nouveau sur le sofa et se couvrit à moitié le visage d'un riche éventail pour dissimuler un certain embarras. Cagliostro resta debout et légèrement incliné sur le dossier de son fauteuil. Sachant qu'il n'avait pas un moment à perdre, il continua avec chaleur. Si j'eusse été cupide, peut-être aujourd'hui, créateur de mes propres richesses, apparaîtrais-je aux hommes comme un nouveau Baal, statue d'or, objet de leur respect. Mais j'ai dédaigné les profits de la science pour n'aspirer qu'à ses palmes glorieuses. J'ai voulu conquérir la puissance de l'Éternel, lui dérober un rayon de son soleil. Pourquoi eussé-je été plus favorisé que Prométhée? À une audace de titan, il faut un supplice de titan. Mais, dit la dame, d'un son de voix empreint de raillerie et d'amertume, vous n'êtes pas à plaindre. De nombreux revers n'ont pas traversé votre existence. Vous ne pleurez aucun être chéri. Je pleure sur la mort qui règne en dedans de moi, sur la perte de mes illusions. J'ai la gloire et non le bonheur. Errant de contrée en contrée, je ne puis faire un pas sans marcher sur un libelle lancé contre moi. Mais, monsieur, pourquoi errez-vous ainsi? C'est que je n'ai point de patrie, madame. Je ne tarde pas à peser sur le sol qui m'accorde l'hospitalité. Comme l'oiseau qui, soumis aux lois des saisons, doit, tous les ans, aller chercher le soleil par-delà l'océan. La marquise joignit les mains en regardant fixement son interlocuteur. Celui-ci rapprocha son fauteuil, élevant sur la belle espagnole des yeux remplis de tendresse. La science m'a livré cependant une admirable compensation, car je puis offrir à la femme qui m'aimera un trésor incomparable. Mais si l'on nous entendait, c'est un secret important. Mettez-vous ici. Cagliostro se plaça sur le sofa près de la marquise, leurs mains, leurs cheveux se touchaient. On vous a parlé de mon élixir de vie, composé, dit-on, suivant la méthode paracelsique, d'or et d'aromates. Enfantillage. Est-il donné à une créature humaine d'arrêter le bras de la mort, de remplir de nouveau le sablier qui a versé tout son sable? Cette découverte merveilleuse avait un autre but, et ce que je possède seul, c'est l'élixir de beauté. De beauté? Oh, mon trésor, tu m'as écouté de recherche, mais tu es à moi. Je ne te vendrai pas. M'offrirait-on les revenus du Mexique? Tu appartiendras exclusivement à une femme si belle déjà qu'elle n'a qu'à rester la même, prétend la reine de son sexe. Arrière, toutes les autres. M'imploras-t-elle à genoux, leurs lèvres avides, ne recueillera pas une goutte du précieux breuvage. Celle qui, d'un regard, m'a enchanté, celle qui m'est apparue telle qu'une divinité aura le tribut de mes travaux. Fière et majestueuse, elle verra se flétrir l'éclat, la fraîcheur des femmes les plus charmantes, des Polignacs, des Saint-Aignan, des Polastrons. Elle, au contraire, s'élèvera droite et blanche comme le lys sur sa tige. Et jamais l'admiration ne se détournera d'elle, jamais son cortège ne diminuera. L'amour m'aura prêté la puissance de Dieu. Oh, madame, vous qui avez rendu à mon cœur les battements de la jeunesse, vous dont le regard me fascine, dont la voix m'enivre, voulez-vous être cette femme? Voulez-vous, en échange de votre beauté présente, recevoir de moi celle de l'avenir? Je suis à vous seul. Répondez, répondez. Sa voix avait un accent pénétrant. L'éclair du génie illuminait son front. Il était sublime d'expression. La marquise, en proie à mille émotions, pâlissait et rougissait tour à tour. Elle semblait faire un dernier effort pour se soustraire à cette influence magnétique. La petite porte s'ouvrit. L'homme vêtu de noir et un laquais placèrent au milieu du boudoir une table chargée de mets et de vins exquis. Cagliostro frissonna. Mais la marquise, se levant avec vivacité, dit d'une voix impérieuse et émue, « Remportez tout cela, nous n'avons pas faim. » Et quand ils furent seuls, elle tira d'une armoire des boîtes de conserve et de dragées en disant « Tenez compte, voulez-vous que nous fassions un repas d'amants ?» Ainsi s'achève une aventure du comte Cagliostro par Alfred des Essarts.